Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes vendredi 3 février 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le premier vice-président de la République promet la mise en place d'une banque d'investissement pour les jeunes regroupés en association. Il l'a dit à son retour d'Addis Abeba, où il a participé au dernier sommet de l'Union africaine qui a bien traité de cette thématique. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Grève des détenus de la prison de Mourenge à Rumonge ce vendredi matin. Le directeur du département pénitentiaire explique que ces prisonniers s'étaient inquiétés du retard affiché dans l'approvisionnement en nourriture à cette maison de détention. Et la route nationale reliant les provinces de Gitega et Karoussi est bloquée depuis le soir de ce jeudi suite à un accident de roulage de 3 camions entrés en collision au niveau du pont de cet axe à la frontière de ces deux provinces. Et le reportage d'aujourd'hui nous mènera sur la colline Kizina, en commune Guianga de la province Bubanza. Les cultivateurs de stevia reconnaissent que cette plante leur procure des revenus importants dans leur famille. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'investissement dans la jeunesse permettra au Burundi de ramener la croissance démographique de 2,5% à 2%. C'est le premier vice-président de la République qui l'a dit après sa participation au 28e sommet de l'Union africaine en Éthiopie, sommet qui a mis en avant cet investissement afin de tirer profit du dividende démographique. Gaston Sindimo appelle à l'effort de tout un chacun pour y arriver. Suivez Gaston Sindimo. Nous, décideurs politiques, opérateurs économiques et autres investisseurs devons désormais faire preuve d'imagination pour prendre les décisions qui s'imposent et mobiliser les investissements nécessaires en faveur de notre jeunesse. La réalisation des dividendes démographiques représente une opportunité majeure pour l'Afrique de répondre aux aspirations légitimes exprimées dans l'agenda 2063. Le Burundi est certes confronté aux défis démographiques qui risque d'hypothéquer ses efforts de développement socio-économique, mais il est sur la voie de se développer et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques qui lui permettront d'atteindre le dividende démographique à moyen terme d'ici 2025. Pour faire face à ce défi, le Burundi a adopté en juin 2011 la vision 2025, qui propose un ensemble cohérent de politiques à mettre en œuvre afin de mettre le Burundi sur la voie du développement durable à l'horizon 2025. En outre, la déclaration du gouvernement en matière de la politique démographique nationale, adoptée en octobre 2011, reprend l'objectif de la vision de ramener la croissance démographique du pays de 2,5% à 2%. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, promet pour cela la mise en place d'une banque d'investissement pour les jeunes qui donnera des crédits aux jeunes regroupés dans des associations et cela rentre dans le cadre de la vision 2025. Le président de la République a promis la mise sur pied d'une banque d'investissement pour les jeunes. Et cette banque va ouvrir ses portes incessamment et c'est une des activités montrant que le gouvernement du Burundi doit mobiliser les jeunes afin qu'ils puissent s'attirer aux activités d'autodéveloppement. Ça rentre aussi dans la vision 2025 que le Burundi a initiée. Donc cette banque est là pour aider les jeunes. Le président de la République demande à ce que les jeunes fassent des associations pour qu'ils puissent travailler en association. Donc, c'est ces associations qui présenteront les projets et qui, au niveau de la banque, on va vérifier si ces projets sont fiables et qu'à travers le financement de ce projet, qu'on puisse avoir comment rembourser cet argent. Quand on voit le nombre croissant de la jeunesse, et nous devons faire attention pour que la jeunesse soit canalisée dans les activités de développement et non pas dans des activités inutiles. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, dont les propos ont été recueillis par Alain Désiré et Boukeyenèse. Dans la suite de ce journal, chaque Burundais est invité à répondre présent aux cérémonies marquant le 26e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, célébrée le 5 février de chaque année. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique précise dans un communiqué que cette journée sera célébrée lundi 6 février en raison de la date du 5 qui tombe en dimanche. L'assistant et porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nairaja, souligne qu'au cours de ces festivités, il est interdit de porter des insignes des partis politiques. Suivez. Le peuple burundais commémore la charte de l'unité nationale le 5 février de chaque année. Cependant, comme la date du 5 février 2017 coïncide avec la journée de dimanche, le 26e anniversaire de la charte de l'unité nationale sera célébré par tous les Burundais ce lundi le 6 février 2017. Tout le peuple burundais est donc invité à commémorer cet événement historique de notre pays. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique demande à tous les administratifs, les représentants des confessions religieuses, des partis politiques et celles de la société civile de mobiliser leurs membres en vue de participer massivement à cette commémoration. En mairie de Bujumbura, les cérémonies débuteront par une messe écuménique au chef-lieu du monument de l'unité nationale à Kiri, suivi par le dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'unité nationale à l'intérieur du pays. Les cérémonies débuteront par des prières écuméniques au chef-lieu des monuments de l'unité nationale, suivi par le dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'unité nationale, les gouverneurs de province, le maire de la ville de Bujumbura et les administrateurs communaux sont invités à veiller à une mobilisation de la population en général et des cadres et agents de l'État en particulier, tant du secteur public que privé, pour une bonne participation à cette commémoration. Il nous plaît de rappeler que ce n'est pas l'occasion de la propagande des partis politiques avec des insignes distinctifs, mais plutôt les partis politiques sont invités à mobiliser sérieusement leurs membres. Isanganiro, la radio de l'avenir. La route nationale numéro 12 est bloquée depuis le soir de ce jeudi suite à un accident de roulage de trois grands camions entrés en collision au niveau du pont de cet axe à la frontière des provinces Gitega et Karoussi. Le commissaire provincial de la police à Karoussi indique que la police est à la recherche d'une dépanneuse pour que la route soit débloquée. De Karoussi, nous appelons notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Le soir de ce jeudi, trois grands camions se sont cognés au niveau du pont de la rivière Luvuvu, à la frontière des provinces Gitega et Karoussi, et bloquant ainsi la route nationale RN12. Un de ces trois camions a par suite pris feu, et deux autres ont été sauvés suite à l'intervention rapide des policiers pompistes qui ont vite emmené le camion anti-incendie en provenance de Gitega. Le commissaire provincial de la police de Karoussi indique qu'un des passagers a été brûlé dans le même camion, mais qu'il a été par suite sauvé avant qu'il ne meure et se trouve en train d'être soigné, tout en signalant que d'autres passagers sont sains et saufs. Le commissaire Jérôme Nibogora affirme que l'engrais chimique que contenait un de ces camions a été directement pillé par la population des alentours du lieu de l'accident. Sur ce, il fait savoir qu'une fouille de perquisition est en exécution pour tenter de récupérer la quantité volée. Le commissaire provincial communique que la police est en train de chercher une dépanneuse qui puisse aider pour que cette route nationale RN12 qui lie les provinces de Gitega, Karoussi et Moyinga puisse être débloquée. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Grève des détenus de la prison de Murembwe à Rumonge ce vendredi matin. Ces détenus ont même tenté de défoncer les portes de leurs cellules de détention. Le directeur du département pénitentiaire explique que ces prisonniers s'étaient inquiétés du retard affiché dans l'approvisionnement en nourriture à cette maison de détention, mais qu'il n'y a pas eu de bagarre proprement dite. Gervais Hajayanti. Sinovuga ngo ni imicamirano yabaye hagati y'abafungwa n'abarongoye ibohero gusa nuko kumbure mazi yuko ntashonje hari gisanga adatahura neza yuko ingya zatevye gushika nk'izitara tunganywa neza cyabaye nuko gusa bategerwa kuronka guhabwa ingya bisanzwe nuko basanzwe bahabwa mu gatondo ku munsi bakacya rero. Vous voudrez bien nous excuser par cet élément que l'on nous donne en Kirundi. Dans la suite de ce journal, l'entretien du patrimoine culturel peut générer de l'emploi et permettre au pays de gagner des devises. Le professeur Ferdinand Beramihigo, chef du département des études africaines à l'Université du Burundi, trouve que les gens ne donnent pas au patrimoine culturel sa juste valeur. Il l'a dit ce vendredi lors d'une conférence scientifique organisée par le Centre de recherche sur le patrimoine culturel burundais, CERDIC, en collaboration avec la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi. Suivez le professeur Ferdinand Beramihigo, dont les propos ont été recueillis par Didier Niyonzima. on se rend compte que les gens ne donnent pas la juste valeur à l'entretien de ces sites culturels. Effectivement, il y en a qui sont détruits. Et donc, le but justement de ces conférences, c'est de porter à la connaissance du public, de nos étudiants en particulier, et de l'importance de l'entretien de ce patrimoine, d'abord pour la perpétuité de la culture burundaise, et ensuite pour générer des métiers liés à la culture, ce que l'on appelle les industries culturelles. C'est donc important pour le développement. C'est vrai qu'au Burundi, nous n'avons pas cette tradition du tourisme intérieur, mais cela permettrait justement de développer le tourisme intérieur, ça veut dire des Burundais au Burundi, et ensuite le tourisme extérieur. Si ces places sont entretenues, protégées, si ce patrimoine est protégé et documenté, si on porte à la connaissance du public toutes les composantes de ce patrimoine, eh bien, des touristes viendront et cela va générer des devises dans les caisses de l'État. Ferdinand Mberamihigo, c'est le chef du département des études africaines à l'université du Burundi. 13 personnes de 5 familles de la colline Nebutara en commune Bukinanyana ont fui vers le chef-lieu de la province de Cibitoke par peur d'être tués par les voisins qui les accusent de sorcellerie. Un de ses habitants affirme que ceux qui le menacent veulent lui spolier de ses terres et tous réclament une protection spéciale. Le commissaire provincial de la police envisage de collaborer avec les autorités administratives pour sensibiliser toute la population afin que ces personnes regagnent leur domicile dans la tranquillité. Et certains parmi les rapatriés du village de Pedo Mutambara, en commune et province Rumonge, se lamentent que la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, n'est plus active sur le terrain pour se pencher sur leur litige. Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB, leur demande de patienter, surtout en ce début d'année. Jean-Pierre Misako. Selon Athanase Masumbuko, représentant légal de l'Union des rapatriés burundais, la Commission nationale des terres et autres biens n'est plus visible sur le terrain comme elle le faisait avant 2015. Athanase Masumbuko fait savoir qu'un seul employé est permanent au bureau de la délégation provinciale de la CNTB à Rumonge et il ne peut pas recevoir toutes les plaintes dans un temps raisonnable. Pour ce représentant des rapatriés, la CNTB devrait plutôt redoubler d'efforts pour rétablir dans leurs droits et dans les meilleurs délais les victimes des différentes tragédies qui ont endeuillé le Burundi. Yedone Mbonima, porte-parole de la CNTB, informe que les débuts de l'année sont toujours difficiles et que cette commission se prépare à faire des descentes comme à l'accoutumée. S'agissant de lamentations sur improbable retard dans l'analyse des recours, le porte-parole de la CNTB dit que cette commission reçoit les litiges de tout le pays. Basant sur l'équité, la réconciliation et la paix sociale, cette commission traite les conflits suivant l'ordre de dépôt des plaintes, précise Dieudonné Mbonima. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. L'actualité de la CAN maintenant. Le Cameroun est en finale de la CAN 2017 au Gabon après avoir battu le Ghana 2-0 grâce à des buts de Michael Ngadou et de Christian Bassogo. Les Black Stars qui avaient été battus lors de la CAN 2008 par les Lions Indomptables à domicile ont revécu le même cauchemar. C'est donc une équipe rajeunie du Cameroun qui s'ouvre les portes de la finale. Rendez-vous donc le 5 février à Libreville face à l'Égypte et ce sera pour la troisième fois que ces grandes nations du football se rencontrent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Évariste Nzikowanyanga revient sur le déroulement du match Cameroun-Ghana. Le Cameroun et le Ghana étaient faits pour se retrouver. À Franceville, ce jeudi 2 février, il y avait forcément un goût de revanche. Personne n'a oublié ce 7 février 2008, jour où les Lions Indomptables avaient sorti les Black Stars de leur CAN. Et le scénario s'est répété lors de cette 31e édition au Gabon. À la 72e minute, Benjamin Mukanjo, le capitaine, lance un ballon vers le deuxième poteau. Le défenseur ghanéen John Boy rate son dégagement de la tête et Michael Ngadou en profite pour fusiller Razak Brima à bout portant. Dans le temps additionnel, Christian Bassogog double la mise. Au moins demi-finaliste lors de 5 dernières éditions, les Black Stars, qui étaient à un souffle du sacre en 2015, ne tiendront pas leur revanche. Les frères Ayou, qui espéraient se rattraper au Gabon, ont encore buté sur un os. Les Lions Indomptables du Cameroun croisent le fer avec les Pharaons d'Égypte dimanche prochain. Et ce sera pour la troisième fois que ces grandes nations de football se rencontrent dans un match mettant en terme l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Samedi, ce sera le match Burkina Faso-Ghana pour la troisième place. Les deux autres grandes nations de football éliminées dans les demi-finales. À la source, reportage. Le reportage d'aujourd'hui nous conduit sur la colline Kizina, commune Guianga de la province Bubanza. Les cultivateurs de stevia reconnaissent que cette plante leur procure des revenus importants dans leur famille, puisqu'en l'espace d'un mois seulement, ils peuvent récolter déjà. Mais faute de ne pas pouvoir se regrouper en association afin de produire beaucoup, l'exportation n'est pas facile. Le directeur de la recherche, Ali Zabou, encourage la population à cultiver cette plante parce que c'est une culture qui ne traîne pas au niveau du cycle végétatif et qui résiste au changement climatique. C'est un reportage de Christiela Nizigama, de retour de Bubanza. La culture de stevia est une culture de rente qui procure des revenus aux agriculteurs de la commune Guihanga. Ces agriculteurs font savoir que dans un mois seulement, ils récoltent. La culture de stevia est une culture de rente. Chaque mois, on récolte et cela nous procure des revenus. Moi, j'ai déjà cultivé 15 ares et ça veut dire que chaque mois, avec une are, je gagne 10 kilos. Donc, avec 10 ares, je gagne 50 kilos. Ces cultivateurs demandent à l'État de les soutenir pour se regrouper en association afin que la récolte soit abondante. Je proposerais qu'il y ait beaucoup de groupements en association des agriculteurs pour que le rendement soit abondant. L'Association pour la paix, la réconciliation et le développement durable dans son projet coopératif Vingingi soutient déjà ses agriculteurs dans la culture d'orante de stevia. Nyonga Ferdinand, représentant légal de cette association, indique qu'ils ont déjà atteint 10 provinces, mais la production est déjà à 5 tonnes. Du coup, l'exportation n'est pas possible. Nous sommes au début, on peut récolter autour de 6 à 7 kilos. Et nous achetons à nos cultivateurs membres de la coopérative Vingingi à 8000 francs le kilo. Pas encore, mais il y a des demandes. Mais puisqu'ils demandent plusieurs tonnes, on attend la production. C'est pourquoi nous incitons la population à s'atteler à ce travail qui va générer beaucoup et beaucoup d'argent. Chaque pays nous demande au moins 10 tonnes à 30 tonnes par mois. On a déjà produit 5 tonnes. Ce n'est même pas suffisant pour la consommation locale. L'introduction des cultures au Burundi exige certaines règles, comme l'explique Bachanamo Ferdinand, directeur de l'Institut de recherche agronomique du Burundi, Izabu. Au niveau de l'Izabu, en ce qui concerne l'introduction des cultures, il y a une loi, il y a une loi qui est consacrée. Or, en ce moment, les gens de stevia, ils ont voulu se précipiter et passer outre cette loi, ce qui n'est pas possible dans nos usages. Je sais que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sinon, il y a une loi qu'on doit suivre scrupuleusement. Et en ce moment, ils ont suivi cette procédure. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Et pour le moment, en ce qui concerne le stevia, je peux le garantir que le sommet est grandement ouvert. Bachanamo Ferdinand fait savoir que la culture de stevia est à encourager parce qu'elle s'adapte facilement au changement climatique. En plus, la culture de stevia est à encourager parce que c'est une culture qui s'adapte facilement au changement climatique du fait de son cycle végétatif qui est très court. En tout cas, c'est moins de 2 mois que tu as déjà récolté. Or, avec le changement climatique, les cultures qui ne traînent pas au niveau du cycle végétatif sont préférées parce que si la saison pluvieuse dure 2 mois ou 3 mois, c'est déjà suffisant pour cette culture. Le directeur de l'Izabu interpelle les agriculteurs de s'atteler à la culture de stevia parce qu'elle peut procurer des devises au pays. Christela Nizigama, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes désarticulations avant de nous séparer. Le premier vice-président de la République promet la mise en place d'une banque d'investissement pour les jeunes regroupés en association. Il l'a dit à son retour d'Addis Abeba où il a participé au dernier sommet de l'Union africaine qui a bien traité de cette thématique. Grève des détenus de la prison de Murenge à Rumonge ce vendredi matin. Le directeur du département pénitentiaire explique que ses prisonniers s'étaient inquiétés du retard affiché dans l'approvisionnement en nourriture à cette maison de détention. Et la route nationale reliant les provinces de Gitega et Karusi est bloquée depuis le soir de ce jeudi suite à un accident de roulage de 3 grands camions entrés en collision au niveau du pont de Sétax à la frontière de ces 2 provinces. Et vous venez de le suivre, le reportage du jour nous a conduit sur la colline Kizina en commune Guianga. Nous sommes dans la province de Bubanza. Là-bas, les cultivateurs de stevia reconnaissent que cette plante leur procure des revenus importants dans leur famille. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.